Tout le monde. Bon après-midi. Bonjour même les autres. Mais là, ça pourrait être bonne soirée, bon matin, bonne nuit. Oui, ça dépend quand est-ce que t'écoutes la cassette, c'est ça. Il y a... Aujourd'hui, on commence à parler du fait que les gens qui évoluent, qui de plus en plus traversent du côté supramental, se désassujettissent de certaines lois. Ça fait froid encore. Oui. Alors, ça va venir. C'est ça, le désuao. Non, je ne le répète pas. On passe au deuxième sujet, puis on revient. Je me lance pas d'un coup, je suis gelé. Bon, tu parlais du désassujettissement. C'est ça. C'est ça, des lois... Bon, toutes les lois sales, mais finalement, de l'homme ancien. Robert, arrête à passer la cassette pour répéter le mot chaque fois que tu es rendu là. Oui. Oui, effectivement, celui qui ou celle qui évolue, qui se conscientise, rendu à un certain moment donné, elle atteint une période de transition, où elle est assujettie à l'implication des lois évolutives reliées à l'homme nouveau, et en même temps, elle reste prisonnière des lois de l'évolution collective, de l'évolution archangélique reliée à l'homme ancien. Donc, elle doit, par exemple, apprendre à se taire. Sinon, elle va payer le prix. Mais en même temps, pour évoluer, elle devra parler. Donc, elle devra apprendre à parler. Sinon, elle va en payer le prix. Étant donné que la personne est assujettie aux deux lois, cela veut dire que si elle se tait, elle paye. Et si elle parle, elle paye. On appelle cela la période de transition. C'est une période de transition, par exemple, où si tu exprimes ta créativité supramentale avec de l'ego, tu payeras le prix. Mais si tu ne l'exprimes pas, l'intelligence va aussi te faire payer le prix. Autrement dit, du contexte astral, ferme ta boîte, sinon on te punit. Puis du contexte supramental, ouvre la trappe, sinon on te punit. Du contexte astral, ça va être, par exemple, aide et sois altruiste pour autrui, sinon on te punit. Du contexte supramental, individualise-toi, donc cesse d'être altruiste en fonction de la tradition, sinon on te punit. Et c'est continuellement comme ça. De ce fait, l'être humain qui, par exemple, est supporté autant par un contexte supramental et par un contexte astralisé, s'il abandonne la tradition, il perd une béquille. S'il la conserve, il perd la béquille supramentale, ce qui fait qu'il restera de toute façon une personne qui va boiter. Et cette période de transition, elle peut durer de quelques heures à quelques années. La personne doit s'arranger pour... Surtout que l'évolution supramentale n'est pas une chose que l'on choisit. Donc, l'individu doit s'arranger pour mettre au maximum tout ce qui l'entoure en fonction de parvenir le plus rapidement possible à l'évolution supramentale pour être désassujetti des lois planétaires. Maintenant, quand on parle de lois supramentales, il faut comprendre. Quand on parle de lois supramentales, on parle uniquement de mécaniques avec lesquelles nous sommes en accord. Les lois astrales sont des lois d'évolution qui ne demandent pas l'accord de l'humain. Les lois supramentales demandent l'accord de l'humain. Cela veut dire que chaque fois qu'une loi supramentale te bûche dessus, c'est parce que tu as, quelque part dans le temps, accepté ce genre de loi. Les lois astrales ne te demandent pas ton avis, donc il n'est pas question que tu aies accepté ou que tu refuses, c'est comme ça. Ce qui est absolument important de comprendre et de retenir, c'est que l'être humain est une mécanique qui n'est pas tributaire du plan planétaire. L'être humain n'est pas un être terrestre. L'humain est un être terrestre, le corps physique, vital, le corps astral, la psychologie qui est la mémoire de l'être extraterrestre, donc de l'être de lui-même, de l'intelligence, c'est planétaire. Le mental est une liaison extraplanétaire-planétaire, donc le mental est quelque chose qui relie les deux mondes. Et l'être humain, donc les individus qui se conscientisent, ne sont pas des terriens. L'animal qui évolue, donc il ne se conscientise pas, l'animal qui évolue, l'évolution c'est simplement une adaptation positive en face d'un milieu, en face d'un événement. Donc l'animal qui évolue, l'animal humain qui évolue, est un être qui est mémoriel et qui est totalement assujetti aux lois planétaires, c'est un terrien. L'être humain qui se conscientise, lui, vient habiter un animal humain qui, lui, évoluait, et nous devons faire une transition entre la conscientisation et l'évolution. L'évolution est l'amélioration adaptative positive, donc en face d'un milieu, en face d'une structure évolutive, donc d'une structure événementielle qui avance dans le temps, alors que la conscientisation, c'est la capacité de parvenir sans l'expérience à la compréhension des mécaniques, donc à la conscientisation de... La conscientisation, c'est même plus puissant que la compréhension, c'est une perception instantanée de toutes les mécaniques, de l'action et de la réaction, ou des réactions qui engendrent les réactions. Donc, de tout ce qui est sous-jacent à l'expression. L'être humain qui se conscientise est un être qui nécessairement est extraterrestre, c'est-à-dire que ce n'est pas un terrien. Donc, il aura la capacité progressive de devenir immortel, c'est-à-dire d'échapper aux lois, aux lois qui assujettissent l'animal humain, donc l'être évolutif, à sa vie. Lorsque nous parlons de lois d'évolution, nous parlons donc des lois planétaires. Tout ce qui existe dans le contexte planétaire est assujetti aux lois planétaires. Les premières lois planétaires vont être, par exemple, la gravité. L'être, tout ce qui est planétaire, est attiré vers le monde planétaire. L'astral est attiré dans l'atmosphère par la planète Terre, et tout ce qui monte doit redescendre, etc., etc., etc. Les autres lois, si on parle de ce qui est évolutif, donc de ce qui évolue, on aura une loi qui dira simplement qu'on doit préserver la vie, donc la forme, on devra alimenter la vie, donc la forme, et on devra purifier la vie, donc la forme. Purifier veut dire excréter, alimenter veut dire se nourrir, et entretenir veut dire éviter des accidents, donc nécessairement fuir la mort. Il y a des lois qui vont, les mêmes lois vont obliger les différents mondes planétaires à suivre une même ligne, un même chemin. Donc, on aura dans le plan vital les mêmes choses, la préservation de la vie vitale, l'alimentation et l'excrétion des énergies qui ne sont pas propres à l'alimentation ou à l'entretien de la vie. Au niveau du plan astral, on aura la même chose, on aura la préservation de l'ego, préservation des mémoires, on aura l'alimentation des mémoires, et on aura l'excrétion de mémoires perturbatrices ou d'énergie astrale perturbatrice. Le mental étant une liaison planétaire-extraplanétaire, il est assujetti un peu aux lois extraterrestres et aux lois terrestres. Le mental doit aussi s'alimenter pour ne pas tomber, donc on doit mentaliser, on doit discuter intellectuellement, on doit lire, on doit faire de l'intellectualisme. Le mental, en même temps, doit se relier au plan supramental, donc il doit être mémoriellement instantané. Ou instantanément mémoriel s'il a une conscience. Sinon, on est uniquement mémoriel. L'être humain qui, donc, vit une évolution est un être qui couvre la majorité des structures planétaires. C'est l'être qui a habité, qui a constitué la majorité des humanités du passé. Et lorsque l'être commence à se conscientiser, lorsque l'être commence à découvrir une identité qui n'est pas une identité traditionnelle, qui n'est pas une identité par projection, par exemple, je ne suis pas un dieu, étant donné que le dieu est une projection des pères et des rois du passé, je ne suis pas quelque chose que l'humain connaît, mais à un moment donné, je me contente. Je me satisfais, c'est-à-dire que je m'alimente et je me nourris suffisamment dans une présence de conscience qui accentue ma présence. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien, ça va, c'est une conscientisation. Où l'être humain est capable de faire face à du neuf, sans problématique et sans souffrance, et faisant face à du neuf, l'ego découvre nécessairement qu'il fera face à de l'inconnu. Et si l'être humain vit une conscience raisonnable, disons convenable, même si l'ego fait face à de l'inconnu, l'ego n'aura plus la capacité d'en souffrir. Donc, il n'aura pas peur de l'inconnu, ce qui va faire en sorte que l'être humain, celui qui est conscientisable, celui qui se conscientise, ne sera pas poussé à la conscientisation par de l'impatience, il ne sera pas poussé à la conscientisation par un écœurement. Il sera simplement conscientisable. Cela veut dire qu'au fur et à mesure de l'évolution des structures humanitaires reliées au temps, donc l'évolution de l'humanité, l'être humain est conscientisable doucement, calmement, expand sa conscience sans jamais demander une expansion de conscience et sans jamais la limiter ou sans jamais désirer la limiter. Mais à date, ça s'est jamais passé comme ça? Ça se passe... Oui. C'est que présentement, l'humain vit entre les deux. Non, mais que l'humain, ce soit doux, qui... Parce que l'humain est assujetti aux deux lois. Cela veut dire que si, par exemple, toi, tu inconsciemment, d'ailleurs, peut-être même que consciemment, tu le sais, tu es d'accord que toi et plusieurs ici, vous êtes dans le même cas que Michel, tu es d'accord que tu as décidé, à un moment donné, que tu as fait le choix de l'homme nouveau. Ouais. Donc, les saloperies, les stupidités, les conneries, tu n'en veux plus. Nécessairement, si tu te mets à chialer pour rien, tu as déjà accrédité chez toi des structures qui devraient t'avertir que là, tu chiales pour rien, que c'est pas correct. Ouais. Tu as un autodisciplineur. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que si tu ne chiales pas, astralement parlant, on va te punir. Tu peux vivre des problématiques. Et c'est pourquoi tu vas dire, si je serais dans un monde où tous les gens sont comme moi, je ne souffrirai plus cela. Est-ce que la punition est une punition ou elle est une récupération? Puis disons, on voit ça comme une récupération. Mais du point de vue du monde astral, on te punit. Parce que le monde astral, c'est relié aux mécaniques divines, c'est relié au parallélisme entre les familles, les parents, etc. Spirituellement, tu te punis. Tu te punis, voilà. Si tu n'écoutes pas, on te punit, c'est l'astral. Si tu n'écoutes pas Dieu, par exemple, si tu n'évolues pas, Dieu te punit. En réalité, c'est une récupération du bas-fond astral. Mais du point de vue spirituel, on parlera de punition. Donc, pour que l'ego comprenne la mécanique, on parlera aussi, c'est l'astral te punit réellement. Mais l'astral ne peut te punir que si tu te laisses récupérer. Donc, du point de vue mental, c'est une récupération. Mais pour l'astral, c'est une punition. Alors, il va arriver ceci. Tu ne chiales pas, on te punira. À un moment donné, tu auras l'impression que tu te laisses manipuler, on te fera vivre les choses. Et à un moment donné, tu te mets à chialer. Alors, l'astral est content. Mais là, immédiatement, les décisions que tu as prises au niveau du plan supramental vont commencer à venir intervenir, et là, on va te punir parce que tu chiales. Et c'est pourquoi l'être humain évolue dans une conscientisation qui semble être relativement douloureuse, enfin pénible, inconfortable. Ce n'est pas doux, ce n'est pas lent, ce n'est pas paisible, ce n'est pas agréable. Pourquoi? Parce que l'être humain accepte encore de rester assujetti aux lois de l'évolution, alors qu'il est en même temps assujetti aux lois de la conscientisation. L'être humain, donc la majorité des individus qui sont capables de se conscientiser, ceux qui sont capables de prendre conscience, ceux qui sont capables de discerner entre leur mental et leur astral, par exemple, ceux qui sont capables de conscientiser l'intelligence chez eux et l'absurdité qui est exprimée chez eux, donc ceux qui sont capables de discernement, ces individus-là sont présentement à l'apogée, c'est-à-dire qu'ils sont tout près d'une porte, à l'ouverture d'une porte, qui peut leur permettre, s'ils font les choses convenablement, service. Les gens vont dire que tu es manipulé. C'est ça, exact. Alors qu'un autre dirait qu'il est télépathe. Hein? Ça dépend des points de vue. Donc, l'être humain qui se conscientise est un être qui doit parvenir à comprendre certaines choses. Et quand je dis parvenir à comprendre, cela veut dire que vous devez instruire vos égos que c'est vous qui êtes cela. On a parlé souvent, je vais juste faire une petite chose là-dessus, tu reviendras là-dessus à un moment donné. J'ai parlé souvent de la religion mentale, j'aimerais qu'on élabore là-dessus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'être humain est rendu à un point où il doit commencer à créer cette religion mentale. Bon. L'être humain qui se conscientise est un être qui n'est pas, hein, on l'a vu, qui n'est pas assujetti aux lois de l'évolution. Les lois de l'évolution sont toutes les lois planétaires. Donc l'être humain qui se conscientise n'est pas assujetti aux lois planétaires. L'être humain qui se conscientise, par contre, et qui ne le sait pas, l'être humain qui est encore dans la phase de transition, reste assujetti aux lois planétaires alors qu'il n'en est pas. Et il n'est pas à cette basseur, du point de vue énergétique. Mais un être humain qui se conscientise, mais qui ne le sait pas, est-ce qu'il peut... Non, celui qui se conscientise et qui ne le sait pas... Il n'y a pas de limite? Non, celui qui se conscientise et qui ne le sait pas, lui, il reste assujetti aux lois de l'évolution. Mais peut-il toucher au supramental vraiment sans être charrié par l'astral? Il va toucher au supramental et après quelques heures ou quelques minutes, l'ego aura expérimenté le contact, donc il va finir par être se conscientiser, il le saura. Là, il est fait. Là. Ben là, il se ramasse dans la période de transition maintenant où nécessairement on va lui dire écoute, frappe, si tu frappes pas, je te fesse, puis si tu frappes, l'autre te répond, si tu frappes, je te fesse. C'est un peu comme deux gros toffes qui te rencontrent pour t'écœurer. Tosse-toi à gauche. L'autre dit non, si tu vas à gauche, je te bûche. Tosse-toi à droite. L'autre dit hey, si tu vas à droite, je te bûche. Tu fais quoi là-dedans? Tu restes dans le milieu, les deux te bûchent, puis tu tosses à gauche, pas à droite, l'un qui te bûche. Tu fais quoi? Ouais. Ça n'organise pas être là. Mais oui, mais c'est ça, mais on est là. Est-ce que, par exemple, il y a le plan, par exemple, astral, puis le plan mental? On parle du plan spirituel, okay. Mais le plan mental n'a pas de loi. C'est le plan supramental qui a des lois. Le plan astral a des lois. Parce que... Quand tu arrives au niveau mental, tu es pris entre les deux. Mais la personne qui, par exemple, a une évolution traditionnelle ou ordinaire... Ben, l'évolution, on va prendre maintenant à comprendre. L'évolution est nécessairement traditionnelle. Bon. Puis l'évolution est nécessairement collective. Puis l'évolution est nécessairement sans conscience. Alors que la conscientisation, elle est nécessairement non traditionnelle, elle est nécessairement individuelle et elle a nécessairement de la conscience. Toi, tu te conscientises, ici, vous vous conscientisez, la majorité des gens évoluent. Et l'évolution, c'est la préparation de toute la structure planétaire pour recevoir de l'intelligence. Quand l'intelligence commence à descendre dans la structure planétaire, il y a conscientisation. L'être conscientisable, transportable, supramentalisable, c'est celui qui a un contact avec de l'intelligence. Lui, il n'évolue plus. Il évolue encore pendant un laps de temps. Les gens continuent d'évoluer, alors que les gens devraient cesser d'évoluer. Mais moi, j'ai l'impression que j'évolue plus que je me conscientise. Oui, parce qu'il se passe plus d'affaires. Au moins, il y a au moins quelqu'un qui ramasse du karma pour nous. Hein? Ça a certains avantages. Non, mais c'est à cause de toutes les choses que je ne sais pas qui se passent que... Il y a tellement des niveaux où je suis rendu que je ne sais même pas. C'est pourquoi il faut faire la conférence aujourd'hui. Parce que c'est le temps que plusieurs individus, et les autres le feront dans leur temps, mais c'est le temps que certains individus se réveillent à la conscientisation, en ce sens qu'ils cessent et qu'ils bloquent totalement toutes les mécaniques de l'évolution. Il ne faut plus évoluer. L'évolution, c'est égoïque. L'évolution, c'est égoïque, c'est mémoriel, c'est traditionnel, c'est astral, c'est collectif. C'est mesurable, c'est évaluable, c'est comparable. Bon, ce que je voulais dire avec le plan mental, en comparaison avec le plan astral, c'est pas, j'étais pas rendu au plan soi mental. Les gens qui font la transition, qui deviennent mental, c'est une phase qui... Ils évoluent encore. Est-ce qu'ils sont tiraillés par le... Non, ils ne se conscientisent pas encore. À l'instant où l'humain commence à pouvoir faire de la mentalisation, donc au-delà de l'intellectualisme, l'intellectualisme, c'est une phase mentale. La mentalisation, c'est une phase mentale très avancée. Et lorsqu'un individu commence à faire de la mentalisation, il a un contact avec le plan supramental. Donc là, maintenant, il commence à tirailler. Là, il est assujetti aux lois de la conscientisation et il est assujetti aux lois de l'évolution. Bon, j'ai une question, je ne m'en rappelle plus. Je vais la répondre. Pas si donc. L'être humain, lorsque l'on regarde simplement... Bon, il faudrait que je fasse un détour assez long. J'ai pas tout dit. Premièrement, de bien comprendre, je vais revenir là-dessus, l'évolution, la conscientisation, parce que je vois déjà dans l'astral de demain plusieurs personnes qui ont passé leur vie à vouloir évoluer. Et là, subitement, comme ça, en dedans de 5 minutes, j'explique qu'il faut cesser d'évoluer et qu'il faut se conscientiser. Et pour plusieurs personnes qui mêlaient conscientisation et évolution, ben là, ils vont penser que si on n'évolue plus, on ne se conscientise plus, etc. Je répète ceci, je l'ai dit vite, on peut l'écouter sur la cassette, mais je le répète quand même. L'évolution, c'est uniquement un phénomène adaptatif qui, normalement, est positif. C'est-à-dire que ça permet à l'être humain, aux animaux, aux roches, aux plantes, aux gènes, à la génétique, aux virus, à tout cela, de s'adapter de l'évolution. L'évolution est nécessairement traditionnelle. L'évolution est nécessairement astrale. L'évolution est nécessairement collective. La conscientisation et l'évolution est nécessairement sans conscience. Les êtres qui évoluent n'ont pas de conscience. Ils savent qu'ils évoluent, mais ils n'ont pas de conscience propre à eux. Alors, ils seront toujours les fils de quelqu'un, les filles de quelqu'un, les créatures de quelque chose, parce que la conscience, elle est placée dans le collectivisme. Nous sommes, je suis le fils d'un dieu, je suis le fils d'une déesse, je suis le fils de l'univers, je suis bon. Je n'ai pas de personnalité propre, c'est-à-dire que je reste dans un cadre collectif. On est dans une famille, on est chapeauté par un protecteur X, Y, Z, c'est de l'évolution. La conscientisation te sort de ça. Et la conscientisation fait que tout devient centré sur ton intelligence, donc centré sur toi. Maintenant, ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est de l'intelligence centrisme. C'est totalement différent. L'être humain qui se conscientise n'a plus besoin qu'un Dieu l'ait créé. S'il a été créé, ce n'est pas grave. S'il n'a pas été créé, ce n'est pas grave, il n'en a plus besoin. Il n'a pas besoin d'avoir des paramètres de comparaison autour de lui. Je suis plus évolué qu'un tel. Ou encore, je suis rendu à tel niveau. Celui qui se conscientise est totalement au-delà de ça. Celui qui se conscientise ne cherche pas non plus le temps. Il n'est pas impatient. Il est au-dehors dans sa structure ascensionnelle. Il est au-dehors des mécaniques du temps. Celui qui se conscientise est donc une conscientisation, c'est nécessairement quelque chose qui n'est pas traditionnel. Donc, elle fait partie des processus du neuf. La conscientisation est nécessairement quelque chose d'individuel. Donc, elle ne fait pas partie d'une lecture collective ou encore d'un mouvement collectif. On peut être 25 000, puis on se conscientise. Cela veut dire que chaque conscientisé avance sans être déterminé par le reste des conscientisés. Mais la personne, la forme de conscientisation dont tu parles là, c'est quelqu'un qui est rendu... Parce non, moi, je vois, c'est la plus... conscientisation. La transition, c'est quand tu vis l'évolution et la conscientisation. Mais il n'y a pas d'autre niveau de conscience. Non, mais il n'y a pas de phase dans la conscientisation. À un moment donné, tu viens conscient de... Non, on va dire la conscientisation... Par exemple, de ta ville, de ton pays, de où c'est la planète. Non, mais c'est la des phases. Non, la conscientisation, on va dire, c'est bleu. Et l'évolution, on va dire que c'est jaune. Quand les deux se touchent, c'est vert. Plus tu es dans le jaune, plus ce sera jaune-vert. Puis plus tu seras dans le bleu, plus ça sera bleu. Alors, les phases que tu me parles, c'est des phases dans la transition... où tu te rapproches de plus en plus de l'étape de conscientisation sans évolution. Alors, au début, tu évolues à 10, conscientise à 1. Disons, tu évolues à 9, conscientise à 1. Progressivement, tu évolues à 8, conscientise à 2. Tu évolues à 7, conscientise à 3. Et à un moment donné, on serait rendu dans l'inverse. Tu évolues à 3, conscientise à 7. Tu évolues à 2, conscientise à 8. Tu évolues à 1, conscientise à 9. Et finalement, tu te conscientises. À 10, donc, puis d'évolution. Là, si on... Je parle pas de fusion, je parle pas de double évolution, il n'y a rien de ça. Moi non plus, c'est parfait. Moi non plus, Là, c'est pas une finalité, c'est une étape, par exemple, devenu conscient. C'est que là, tu pourras dire « je suis ». Cette personne-là, Non, non, nécessairement dire je suis. Seulement si on te pose la question. Oui, ben, ça n'ira pas je suis. Ah, parce que sinon, tu ne dis pas que tu n'as rien à faire. T'as ton salon à minuit et demi, t'es là, puis subitement, tu dis je suis. Seulement si on te pose la question. C'est parce que... Je t'arrête. C'est extrêmement important de comprendre l'idée. Quand je dis seulement si on vous pose la question, c'est fondamental de comprendre le principe. Un être qui se conscientise ou un être conscient ne sait rien. Il sait uniquement ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire. De ce fait, on doit comprendre l'idée. Si un être, à un moment donné, vous posez la question à quelqu'un, qui es-tu? L'autre, il répond, je suis. Ah, ben, s'il dit, c'est qu'il ne l'est pas. Un être qui se conscientise, il ne l'aurait pas dit, il ne s'en vante pas, il répond à une question, c'est une mécanique. Donc, ajusté dans le langage de l'homme, nécessairement, ce sera le je suis. Il aura raison. On doit bien comprendre l'idée. Certains peuvent dire, oui, mais l'ego peut faire la même chose. C'est évident. Mais ça, vous le savez tous, vous allez tout facilement le reconnaître, c'est qu'on n'en parle pas. On parle de la conscientisation. Alors, effectivement, si je te pose des questions, tu répondras. Donc, tu le sauras en répondant, mais tu n'auras rien à faire de ce savoir. Ça sera une expression énergétique dans un contexte de matière. De ce fait, tu vas te servir du questionnage pour pouvoir énergiser la matière, luminiser la matière, donc faire évoluer le monde. Ça veut dire que l'humain devient un haut-parleur? Non, il devient même un très haut-parleur. Moi, ouais, mais finalement, c'est... En tout cas, là... Parce que t'es plus... C'est... L'individu n'est plus rien. Et... L'individu... C'est comme une roche qui se promène et qui dit... Ah non, non, c'est... Ah, non, c'est pas une roche. Ouais, ça va être la peau de l'eau. De... Non, ça c'est le corps. Ça c'est l'animal humain. Qu'est-ce qu'ils sont présentement, eux? Puis qu'est-ce que t'es, toi? Ben des affaires. Cosmiquement, là, ben, t'as regardé, t'es de la peau, t'es du sang, puis t'es de l'eau, puis voilà. Hein? T'es du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, des choses comme ça. Ouais, mais là, c'est que tu t'identifies plus à rien, tu t'es plus t'as rien. T'as pas besoin de t'identifier, parce que justement, tu as de la conscience. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Mais je me demande, c'est quoi l'intérêt de rester, d'être? Non, pour ton ego, pose pas des questions comme ça. L'ego, lui, il s'identifie dans la conscience, ne pouvant englober la conscience, il en englobe une partie. La partie qui l'englobe, il pense que c'est lui, on appelle cela l'identification. Mm-hmm. C'est traditionnaliste, c'est mémoriel, et il pourra savoir qu'il est lui par comparaison à ce qu'il n'est pas, donc par comparaison aux autres. L'évolution est comparative, tout à l'heure on l'a vu. La conscience fait que tu englobes le reste, tu ne te poseras pas ce genre de questions. Bon, c'est intéressant ce que tu amènes, ce n'est pas utilisable. Je préférerais... Ben, moi, je suis d'accord, c'est inutile. Ben, c'est intéressant. Ça sert à rien. Ça sert pas à grand-chose. Non. Parce que demain, il faut aller le travailler pareil. Oui, puis ce qui va arriver, moi, ce que je veux dire, ce qui sert à rien, c'est de poser la question, par exemple, justement, oui, mais là, l'ego, l'ego n'a rien à faire là-dedans. Ce que l'humain doit comprendre, demain, tu vas le travailler encore, c'est évident, jusqu'au jour où tu n'auras plus besoin de le travailler. Ils le feront pour toi. OK? Oui. Mais c'est quand je parlais pour toi, je parlais pas de ton ego. J'ai vu qu'il y avait une oreille là. Bon. Donc, la conscientisation, c'est totalement différent de l'évolution, et à partir de maintenant, on devrait employer les mots en fonction des définitions qu'on vient de connaître. Encore, je veux revenir sur la conscientisation, parce que je voyais des étapes. Là. Finalement, les étapes que je voyais, est-ce que c'est, par exemple, une personne qui se conscientise... Donne-moi des étapes, puis je vais t'en parler. La personne qui se conscientise, puis qui, bon, il n'y a plus de Dieu, le père de Jésus, par exemple, qui était Dieu, puis tout ça, là, ça sort. Est-ce qu'elle se conscientise ou si elle est traditionnellement dans la mémoire de ceux qui ont appris et parlé que les dieux n'existaient pas? Il faut voir la nuance. Parce que quelqu'un va dire, moi, je me conscientise, je ne crois plus en Dieu. C'est une mode. Non, mais quelqu'un qui vraiment, là, c'est... OK, quelqu'un qui se conscientise et qui découvre. Oui, c'est... Pas qu'il ne croit plus, qui découvre que Dieu n'est pas... Même si c'est venu par quelqu'un d'autre qui a parlé de ça. Oui, c'est pas grave, mais s'il le découvre... Le terme est plus juste que de dire qu'il ne croit plus. Parce que si tu découvres à mon contact que ton Dieu est une illusion, tu te conscientises, tu le découvres. Bon, ça, c'est une étape. Tu ne l'as pas appris. Tu l'as découvert. Parfait. Après ça, il va y avoir l'autre. Ah, oh, finalement. Bon, là, ben, c'est ça, ça finit jusqu'à ce que, finalement, tout ce que tu... je sais pas, dans les mots, finalement, c'est que tu dépendais... Il y a tout le temps quelque chose qui t'avait créé. À un moment donné, là, tu t'es créé, mais là, c'est du point de vue, c'est quasiment pas... l'ego peut pas... parce que tu crées tout. Le cosmos, tout. Quand tu dis tu te crées, là, tu parles en québécois, ben non? Ouais. Non, créé. Ah, OK, c'est correct. Ça va, non. Quand tu te crées, c'est ça. Je me crois pas encore. Non, c'est bon. Ce que, bon, Pour répondre à ta petite question, on devrait comprendre que déjà toi, tu as déjà tout créé ce qui t'entoure, et que dans ton évolution, donc dans l'identification d'une partie de ta conscience, à un moment donné, tu créais quelque chose que tu avais déjà créé. Et tu montais comme ça de création en création, puis rendu à la conscience, tu te rends compte que tout ce que tu avais créé, tu as déjà créé par toi-même, puis que tout ce que tu pourrais créer est déjà créé. Puis que, bref, voilà, tu arrives à la conscience. La conscience, ça ne doit pas créer de fièvre dans l'ego. L'ego ne peut pas comprendre ce que je dis là. De toute façon, je ne le dis pas pour l'ego, je le dis pour le descendre sa planète, je le dis pour ceux qui sont suffisamment supramentalisés, et la majorité ici le sont, même si l'ego pose des questions par en arrière, comme toi tu comprends ce que je veux dire. Puis ton ego, en même temps, il aimerait juste en savoir un peu plus. Il ne pourra pas savoir. C'est une chose qui est très importante, c'est que l'ego ne peut pas pénétrer l'instantané. Donc, de ce fait, tout ce qui regarde la conscientisation ne peut pas être compréhensible par l'ego. De ce fait, lorsqu'à un moment donné, on va amener des nouveautés au niveau des mécaniques supramentales, au niveau des mécaniques de conscientisation, quand l'ego va poser des questions, on ne peut pas y répondre. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va lui expliquer de là-dedans, il ne peut pas le comprendre. Un exemple. L'ego, expliquons l'illusion du temps et de la matière à un ego. Il n'y arrivera jamais à le comprendre. Pourquoi? L'ego est de la matière et du temps. Alors, en partant, il a lui-même une illusion, une farce. Et la farce ne comprend pas les farces. Avez-vous déjà entendu une farce rire d'elle? Non? Bon, voilà. Ouais, donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'ego ne peut pas comprendre ce qui fait partie de l'instantanéité. Donc, si on parle de conscientisation, l'ego ne peut pas comprendre ce que ça donne. Vous allez devenir conscient, globalement, dans l'absolu, intemporellement, mais toutes ces choses-là, l'ego ne peut pas rien faire avec ça, il ne peut pas jongler avec ça. Donc, il faut qu'on cesse, il faut mettre fin aux questionnages, ou encore aux réponses, du moins en conférence spéciale, aux questions posées par un ego, lorsqu'il s'attaque à des réponses qu'il ne pourra jamais intégrer. Si l'ego dit « Oui, mais moi, je vais vivre comment à travers ça? » Ça, on peut y parler de l'ego. Mais oui, mais la conscience, ça sert à quoi d'être conscient? Ça, l'ego ne pourra jamais comprendre la réponse. Donc, la question, si on la pose, moi, je ne réponds plus. L'ego ne peut pas comprendre parce que ça ne fait pas partie de son monde. Tout ce qu'on va maintenant expliquer ne fait pas partie de son monde. C'est comme ton ego, il veut absolument se droguer, puis il se pose la question, à quoi ça va me servir de plus me droguer? À rien. T'sais, ton ego est uniquement un ego de drogué, il faudra qu'il se drogue. Ça ne lui servira jamais de ne pas se droguer. Alors, ça fait partie d'un autre monde. L'être humain qui se conscientise est un être humain qui va vers la conscientisation, donc qui va se désassujettir progressivement des mécaniques planétaires, donc des lois de l'évolution. Et ça, vous devez comprendre qu'à partir de désormais, à partir de quand vous pourrez, vous devez tout mettre en œuvre pour ne plus évoluer, c'est-à-dire pour couper court aux lois de l'évolution. Par exemple, l'ego qui se drogue, et il y a une partie dans cet ego-là qui voudrait cesser de se droguer. Ça, c'est autre chose. Tout à l'heure, je te parlais d'un ego plein de drogue. Oui, mais malgré ça, c'est en rapport avec le doute aussi. Si elle questionne finalement savoir, puisque bon, je continue à me droguer ou bien non, je prends une chance puis. Mais là, tu peux informer la partie qui veut cesser de se droguer des avantages. Mais si la partie qui se drogue pose des questions, tu ne pourras jamais rien lui expliquer, tu ne comprendras jamais rien non plus. Okay, bon, c'est la même chose, c'est ça. Okay. Alors, au niveau de la conscience, si par exemple mentalement ou supramentalement vous posez des questions, si on parle, vous allez être capable de saisir tout au complet. Puis en même temps, il y aura toujours une petite voix en dedans qui va dire oui, mais. Et là, vous allez essayer de lui expliquer, ça ne fonctionne pas. Alors, vous allez me poser la question, puis je ne peux pas vous l'expliquer plus. Vous le savez déjà, et votre ego, il ne comprendra pas plus. Ce n'est pas de son monde. C'est comme j'expliquais à un moment donné, la phrase « les voix de Dieu sont impénétrables ». Chaque fois que l'ego se pose la question « qu'est-ce que l'intelligence instantanée ?», le mental va comprendre. Pour l'ego, ces voix-là sont impénétrables. Qu'est-ce que l'intemporalité? Qu'est-ce que l'immortalité? Qui a créé Dieu? Dieu a toujours été là. Mais comment? Non, l'ego, il peut poser des questions, mais il ne comprendra jamais les réponses. Ces voies-là sont impénétrables. Par l'ego. Ils sont pénétrables par l'être humain, par l'être qui se conscientise. Alors, ça, il n'y a pas de problème. Et l'être qui se conscientise, parce qu'il est relié à l'expérience d'un ego, peut comprendre ce qui se passe dans l'ego, peut comprendre toutes les mécaniques astrales, vitales et physiques. Et c'est pourquoi l'être humain qui devient conscientisé, qui se conscientise, aura dans les temps à venir, comme fonction première de devenir un instructeur au niveau de la galaxie, au niveau de l'univers, du super-univers, de toutes les mécaniques ascensionnelles, style humanitaire ou humanoïde, qui existent sur différents soleils, enfin autour de différents soleils, sur différentes planètes. Parce que nous avons la capacité de comprendre la matière, nous avons la capacité de comprendre le plan vital, pas encore suffisamment pour l'humanité, mais ça s'en vient. Nous avons la capacité de comprendre le plan astral, nous avons la capacité de comprendre le plan mental, et en plus, nous avons la capacité d'être conscient, c'est-à-dire d'être capable d'adopter tous les points de vue en même temps, de ce fait d'être totalement adaptable à tout ce qui peut exister dans le contexte évolutionnaire, donc dans un contexte refroidi et fusionnel, à travers le système de notre galaxie, ou encore à travers le système de l'univers. Dans quelques années, évidemment, ça, c'est pas pour demain, après après-demain. Mais l'être humain doit comprendre ceci. Les lois de l'évolution sont des lois qui nécessairement vous obligeront à vous collectiviser, qui vous feront souffrir et qui vous punissent. Ce sont des lois de punition. La maladie est une loi d'évolution. La mort est une loi de l'évolution. La souffrance est une loi d'évolution. L'être humain n'est pas... Il n'y a pas d'intentionnalité qui assujettisse l'humain ou qui force l'être humain à rester pogné avec la loi de l'évolution. Autrement dit... Dieu, pour l'ego, Dieu n'exige d'aucun être humain conscientisable d'être malade, de souffrir, de s'ennuyer, de tomber en amour, d'être pogné avec la sexualité, d'être pogné avec le refoulement. Il n'y a pas d'intentionnalité forcée là-dessus. Autrement dit, c'est que l'être humain agit comme l'éléphant qui, au début de sa jeunesse, était enchaîné à un piquet d'acier et qui, maintenant adulte, n'est plus enchaîné. On l'attache avec une ficelle à un piquet de bois. Mais parce que l'éléphant a tellement expérimenté le fait que la chaîne était incassable, il n'essaye même plus. Alors il va dire, oui, mais je suis obligé de rester là. Non, l'éléphant, maintenant, par programmation, pense et donc accepte de rester là, en fonction des mécaniques traditionnelles. L'être humain, depuis déjà longtemps, n'est plus assujetti aux lois de l'évolution, donc il n'est plus assujetti au commandement des dieux. Sauf que l'être humain, par tradition, par habitude, continue à être réflecteur des commandements des dieux. Donc, l'être humain supporte le karma, alors que l'être humain conscientisable n'a plus de karma. Il n'y a pas d'intentionnalité karmique. L'être humain conscientisable n'est pas assujetti au karma. Parce qu'il reste un être humain évoluable, il reste assujetti au karma, mais c'est uniquement en fonction du fait qu'il n'a pas choisi de s'en dégager. Et nécessairement, c'est l'ego qui choisit de s'en dégager. La partie qui est assujettie aux lois d'évolution décide de ne plus être assujettie aux lois de l'évolution et ça ne fonctionne pas. L'être humain qui se conscientise, centré dans sa conscientisation, centré sur lui, doit maintenant se lever debout pour vivre une évolution ascendante et non pas une évolution rampante comme l'être couché, l'animal humain. Il doit se lever debout, il doit s'imposer une autodiscipline, il doit former son ego, il doit appliquer son intelligence, il doit l'exprimer et il doit, dans les semaines à venir, mais c'est celui qui n'a pas le temps, dans les mois, dans les années à venir, mais nous l'empêche, ça peut se faire assez rapidement, il doit se désassujettir par l'expression de l'intelligence réfléchie dans la conscience planétaire. On appellera cela en résumé par la volonté, c'est la même chose. L'être humain doit par la volonté, donc par la, je répète, par la puissance d'expression d'intelligence dans un contexte planétaire, l'être humain doit par la volonté former un autodisciplinaire qui lui va s'occuper de l'ego. Et l'être humain doit par la volonté canaliser toutes ses énergies en fonction de traverser dans l'ère nouvelle, c'est-à-dire en fonction de former chez lui la race neuve, la race de l'homme nouveau, de la femme nouvelle ou de l'enfant nouveau. C'est faisable présentement. L'humain doit canaliser son intelligence uniquement en fonction d'appliquer dans la mécanique planétaire de l'efficacité supramentale et non plus une juxtaposition de la mécanique supramentale explicative aux mécaniques de l'ego, c'est-à-dire que l'humain comprend, mais il ne peut pas appliquer, il est mal pris là, il veut travailler, il doit faire ceci, un mélange de toutes les mécaniques, une coloration qui donne mal au cœur. L'être humain, présentement, celui qui ou celle qui est conscientisable, doit nécessairement créer chez lui la volonté de Dieu. Quand je parle de la volonté de Dieu, je fais référence à ce que le Nazaréen disait. Je ne fais pas ma volonté, je fais la volonté de mon père. C'était un homme, il parlait de son père parce qu'à l'époque, Dieu était un mâle. C'est un mal d'ailleurs, mais l'être humain aujourd'hui doit faire la volonté de Dieu, le Dieu c'est lui, c'est-à-dire que présentement on doit créer une structure qui va forcer notre ego à faire la volonté, donc du père ou de la mère, on doit créer une structure qui va forcer l'ego à faire notre volonté à nous. Et ça, faire notre volonté à nous, ça veut dire passer dans les mécaniques de Dieu. Ça veut dire que de son vivant, l'humain, si on fait référence à l'antique religion, ouais, je suis rendu en avant, Mais elle est appliquée encore sur la planète. Mais l'humain, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit, l'ego doit présentement être formé pour, il doit s'instruire pour pouvoir venir s'asseoir à la droite de Dieu. L'ego doit venir se centrer complètement et totalement, dans, il le fait en majorité, mais ce n'est pas complet. L'ego doit totalement et complètement venir se centrer, être contrôlé. Les termes ne sont pas justes, mais l'ego doit venir, doit se déplacer et aller totalement se placer dans l'hémisphère droit du cerveau. L'être humain aura la capacité de ramasser tout ce qui fait partie de la mécanique gestionnaire du corps vital et du corps physique, donc de ce qui va ordonner. On parlera donc du mental. Le mental, c'est quelque chose qui est capable de faire la guerre, logiquement, efficacement. Hein? On veut brûler un village, ça élimine, on brûle. Tout ce qui fait partie du mental doit maintenant apprendre, devra être structuré par la volonté de l'être humain, de celui qui se, ou de celle qui se conscientise, pour être déphasé, pour aller se placer complètement à la gauche de Dieu. Il doit totalement se centrer et aller se développer pour se retrouver dans l'hémisphère gauche du cerveau. L'être humain, lui, va progressivement à travers le volontarisme, l'effusion, et la fusion entre lui et le plan supramental, mais l'effusion des énergies supérieures, donc qui viennent se restrifier, l'être humain doit, par sa volonté, l'être humain va engendrer une mécanique neuve qu'il ne connaît pas encore, qui est absolument sine qua non à la création de l'événement fusionnel avec l'endométérique. C'est un troisième cerveau que l'on appellera Dieu. Je fais référence aux traditions pour qu'on comprenne ce que les ancêtres voulaient dire, ceux qui avaient été instruits ou ceux qui étaient des instructeurs. Le troisième cerveau, c'est le endométérique. Un endométérique petit. Un endométérique qui a la capacité, qui est une excroissance de l'ajusteur de pensée, du canal ajusteur de pensée, et qui, lui, aura la capacité de venir régir, donc c'est là-dedans, c'est ce que vous êtes, ce que nous sommes. Le troisième cerveau, donc le Dieu en question, doit venir se placer en plein centre de l'homme, c'est-à-dire qu'il aura une connexion cérébrale par le biais de la glande pinéale, qui, elle, va commencer à resécréter certaines formes d'hormones qui vont annihiler les processus sexuels et qui vont rendre l'homme androgyne en ayant à sa droite l'âme, donc les mémoires de l'âme, et en ayant à sa gauche la puissance planétaire d'ordonnance en face des forces d'exécution de l'homme. On parlera du plan mental, qui, mental, autorisé dans l'astral, sera capable d'ordonner aux forces belzébuthiennes, d'ordonner aux forces matérielles. L'être humain doit absolument commencer un processus dans l'immédiat terme, dans le court terme, dans le moyen terme, c'est encore acceptable, dans le long terme, on n'en parle pas parce que les humains ne sont pas là. On doit développer cette volonté, c'est-à-dire qu'on doit comprendre que on doit appliquer. On a déjà parlé souvent de l'obligation d'appliquer les choses. L'être humain doit présentement développer chez lui une force de volonté, donc un autodisciplinaire. Il peut se servir d'hétérodisciplinaire pendant un laps de temps. Mais ce que l'être humain doit faire, c'est qu'il doit, à partir de maintenant, surveiller sa vie. Et je ne parle pas de devenir stressé, c'est pas l'ego qui vient surveiller la vie. Ce que je veux dire, c'est que présentement, on a un corps physique où on peut de plus en plus prendre le contrôle. Et quand je dis surveiller, cela veut simplement dire travailler avec tout le processus planétaire, la résultante de l'évolution des êtres humains du passé jusqu'à maintenant, pour apprendre à se servir de cette mécanique-là et pour faire tous les créneaux d'expression de l'intelligence fondamentale au fur et à mesure qu'elles doivent être faites. En résumé, c'est son niaise. Voilà. Est-ce que l'être humain, il est possible, l'être humain peut avoir un libre arbitre à la condition que l'ego ne dirige ou n'ait pas l'impression que l'ego ne soit pas là pour prendre des décisions? C'est que l'être humain aura... Bon, le libre arbitre, encore une fois, c'est une question... Si on l'explique astralement, pour la seule chose qu'on peut dire à l'astral, à l'ego, c'est que l'être humain n'aura jamais de libre arbitre. Si on l'explique supramentalement, on va dire oui, effectivement, l'homme nouveau, la femme nouvelle ont un libre arbitre. Alors, l'ego ne comprend pas. C'est très simple, c'est qu'au niveau supramental, les gens ont un libre arbitre, et étant donné qu'ils sont toujours d'accord de faire les mêmes choses en même temps, ça ne dérange pas qu'ils aient un libre arbitre. Alors, quelqu'un va dire, oui, mais ils sont manipulés. Du point de vue de l'ego, ça devient une manipulation. Du point de vue supramental, ça n'est pas une manipulation, parce que chaque être humain devient le manipulateur d'autrui, et tout le monde est d'accord. Donc, il n'y a pas de manipulation. Quand on parle de paradoxe, le paradoxe de la conscientisation, c'est toujours une explication qui est entre le plan supramental et le plan astral. C'est un paradoxe. Oui, tu as raison, mais tu as tort. Donc, dans un niveau, tu as tort, dans un niveau, tu as raison. Alors, quand on explique une explication entre les deux, c'est un paradoxe de la conscientisation. Alors, au niveau du libre-arbitre, le libre-arbitre devient paradoxe de la conscientisation. Si on dit non, tu n'en auras jamais un, mais effectivement, un jour, tu pourras faire, tu auras un libre-arbitre qui n'en sera pas un, mais qui en sera réellement un, bien que tu n'en aies pas. Parce que ce que tu viens d'expliquer, là, moi, je vois ça comme un libre-arbitre. C'est un libre-arbitre. Mais est-ce qu'on... comment on peut appeler ça? C'est un libre-arbitre ou on appelle ça? C'est un autre... Non, c'est un libre-arbitre qui... un libre-arbitre total que tu as, malgré que tu n'en aies pas. Et je te dis, c'est un paradoxe. Alors, si ton ego veut comprendre, il ne veut pas comprendre. Il doit se contenter du paradoxe en disant... Ah! Non, c'est... non, ça va, c'est... c'est que les décisions sont prises... Les décisions sont appliquées. L'action est faite en rapport à réaction avec l'intelligence. L'action est déterminée par l'intelligence. Elle ne réagit pas à l'intelligence, elle est déterminée par l'intelligence. Si on s'approche, du grand monarque là, à ce moment-là. Oh oui, c'est évident. Mais il s'approche de nous lui aussi. Mais je parlais dans le... dans oh oui, absolument. Ah, c'est intéressant. Ouais. Il n'y a pas d'intentionnalité qui force l'être humain conscientisable à rester assujetti aux lois de l'évolution. Toutes les lois naturelles font partie des lois de l'évolution. L'être humain se conscientise en est libre. Sauf qu'étant donné que l'être humain, par habitude, ne s'en est pas libéré, il reste assujetti. L'être humain qui continue à évoluer, nécessairement reste assujetti aux lois de l'évolution, donc il est assujetti aux lois de la nature. Toutes les lois de la nature s'adressent uniquement au contexte planétaire. Elles ne s'adressent pas au contexte extraplanétaire. L'être humain qui se conscientise est un être humain qui n'est pas un terrien. Il ne cherche pas la planète, il n'y a pas de planète. C'est un être spatial, qui prend de l'espace. Mais ce n'est pas un être martien, jupitérien, etc. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un terrien. Ce n'est pas un habitant d'une planète. Et toutes les lois qui sont les lois naturelles, les lois vitales, les lois astrales, les lois psychologiques, les lois de compensation, donc les lois du karma, et toutes ces lois-là, toutes les lois de l'évolution, ne sont pas le lot de celui qui se conscientise. L'être humain doit... présentement comprendre la mécanique, ça va lui donner un sérieux coup de pouce, pour être poli, pour l'aider à pénétrer dans l'ère nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas, à ce moment-là, là, il y a pas de karma. Il n'y a plus de karma. Peu importe l'action que tu poses, il n'y a pas de karma. Exact. On est intelligent, là, il n'y a pas de karma. Il n'y en a plus. Les échanges d'énergie sont parfaits. Tu arrives devant quelqu'un et tu dis à quelqu'un, écoute, essuie mes souliers. Alors il les essuie, parce que c'est tellement puissant, tu manipules. Il les essuie puis il s'en va. Tu n'as aucun karma. Lui, le fait d'avoir essuyé tes souliers a tellement reçu en énergie que c'est impeccable. Et tu dis, pourquoi il les aura essuyés? T'en dois. Il va devoir du karma. Non. Il ne donnera jamais trop. Mais c'est son ego qui parlait. Alors. Ce qui va arriver, il n'y a plus de toutes les lois, et ça c'est ce que l'humain doit comprendre là, c'est que les lois de l'évolution sont des lois qui s'adressent uniquement à l'ego. Les lois de la conscientisation sont des lois que nous avons acceptées. Consciemment. Pas dans l'ego. C'est sûr, mais c'est consciemment, oui. Oui, c'est consciemment, mais pas dans l'ego. Non, c'est ça. C'est ça. C'est consciemment inconscient. C'est qu'il y avait après ça, l'ego l'a regrette. C'est un paradoxe. Oui, ça répondait à toutes ces questions? Ah, je ne sais pas bien. Pas beaucoup de questions. On va regarder ça, ouais. Oh, on a encore le temps. On a encore le temps? Ouais. Moi, j'en ai plein. On se rendre une. Ah, je te la redonnerai. Ah, ok, je pensais que c'était pour la réponse. Oui, c'est Mais vas-y. Non, vas-y. Ah, c'est parce que je cherchais. Oui, puis en même temps, ce que je sais moi, c'est que c'est extrêmement bon qu'il y ait une petite relaxation. Mm-hmm. Parce que ce qui était dit doit être digéré, doit être assimilé, et c'est important qu'on relaxe. C'est pour ça que je te laisse relaxer. Parce qu'il faut que ça s'intègre. Sinon, on en met, puis on oublie le début. C'est important de comprendre ce qui était dit lors de la première partie. C'est important. À être bien correct, là, je ne viendrai pas la deuxième partie, puis on rejouerait la première cassette. Ah, c'est une bonne idée. Là, tu pourrais voir les questions que tu as manquées. Oui. Parce que je voudrais pas... je voulais parler des religions, mais pas tout de suite, là, c'est pour ça. Non, deuxième partie, là, viens pas de casse. Ok, parfait. Les religions. Qui veut parler des religions? Après, ouais, dis-toi, nous dis-le. Ah. Bon, alors j'y vais? Oui, vas-y. Salut. Non. Son ego est à la surface. Vous savez les choses, là. L'être humain... On parle souvent du discernement que l'humain doit faire entre sa partie mentale et sa partie astrale. La partie mentale, c'est une partie qui sert de quoi médiumnique. C'est une partie qui sert de médium qui est placée entre le contact supramental et le contact astralisé. La base même du discernement au départ, c'est de discerner entre le mental, de discerner entre l'astral. Ce que l'humain doit faire avec ce que j'ai dit aujourd'hui, ça implique quoi? Ça implique que l'être humain doit développer au maximum un discernement entre ce qu'il est lui en tant que conscientisé et ce qu'il est en tant qu'évolué. L'être humain doit discerner, donc créer une scission entre, non seulement entre le plan mental, par exemple, si mon mental, bon, mentalement je veux ceci, mais j'aime pas ça, ah, ben là, c'est mon ego qui parle, ça on le voit, c'est une chose. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'une grande partie de notre vie, sinon la totalité de la vie de la majorité des gens, n'est pas discernée. On ne discerne pas là-dessus. La vie que vous vivez, elle est assujettie aux lois de l'évolution ou aux lois de la conscientisation. Et bien maintenant, on doit discerner chez nous quand je suis l'être conscientisé ou le conscientisable et quand je suis l'être évolué ou l'être évoluable. Pour la simple raison que chaque fois que je vis à la façon d'un être évoluable ou d'un être évolué, disons évoluable, nécessairement je suis assujetti aux lois de l'évolution. Je dois discerner. Parce que plus je vais discerner, ah tiens, non, c'est pas ça, je suis dans une phase d'évolution, c'est pas ça. Donne-moi un exemple. Oui, je vais en donner une. L'évolution, là. La personne qui se dit, j'avance, j'évolue, je comprends de mieux en mieux. Elle peut conscientiser subitement, ah oui, mais là, je viens en être évolué. L'autre va subitement conscientiser que ça va de mieux en mieux qu'il avance, ou il ne dit pas, ou il le dit après. Il a conscientisation là. Et là, il peut dire, hop, je suis l'être qui se conscientise, j'ai pas besoin de ce que je viens de dire. Mais il n'y a pas grand nuance. La nuance, c'est un peu comme entre le mental et l'astral. Une personne va dire, par exemple, le mental, c'est logique. Je n'achète pas cette automobile parce que les freins ne sont pas bons. Et l'ego va venir dire, oui, mais elle est belle en maudit. Et la personne va dire, oui, mais c'est logique que je l'achète parce qu'elle est belle, parce qu'elle me plaît. C'est aussi subtil. C'est là, c'est encore ton ego que je détourne. La majorité, vous êtes habitués, on s'en rend compte immédiatement. C'est aussi subtil et aussi démarqué dans le discernement entre l'être terrien et l'être qui n'est pas terrien. Entre l'être qui évolue et l'être qui se conscientise. Il n'y a pas grand-chose. C'est évident qu'un être humain qui se conscientise est un être humain qui n'est pas traditionnel, c'est un être humain nécessairement qui n'est pas associé aux lois traditionnelles. Donc, l'être humain qui se conscientise ne nourrit pas les dieux. De ce fait, il ne chiale pas. Il ne perd pas d'énergie. Il ne se prend pas au sérieux. Il n'est pas identifié, donc il ne peut pas se prendre au sérieux. Il a une personnalité qui n'est pas une personnalité égoïque. La personnalité de l'être qui se conscientise est une personnalité formique, c'est-à-dire une personnalité impersonnelle. En réalité, c'est une personnalité, c'est une forme qui est post-personnelle. Quelqu'un qui le voit va voir une personnalité. Mais l'individu, lui, n'en a pas pour lui-même. Alors, on doit apprendre à discerner quand nous vivons en fonction d'une mécanique d'évolution, et je ne dis pas quand nous voulons vivre, on doit discerner le quand on vit, ceci ou cela. Toutes vos habitudes de vie, sans exception, devront à un moment donné être observées. Et je ne parle pas d'une observation stressée, C'est simplement qu'on doit maintenant surveiller ce qui se passe au niveau de l'expression dans notre corps des mécaniques astrales. Tu vas manger. Ajoutes-tu, est-ce que tu agis en être évolué? Et oui, tu auras toujours besoin de manger. Tu auras toujours besoin d'excréter. Tu auras toujours besoin de surveiller ta santé, de surveiller ton alimentation. L'humain va dire, alors moi je ne mange plus, je vis donc comme un être conscientisé. Sinon ton corps physique, il vit encore comme un être évolué. Pendant que tu manges, tu auras faim. Mais la façon dont tu vas être présent lorsque tu vas faire des choses traditionnelles va faire en sorte que ces choses traditionnelles ne le seront plus. Et là, ça ne sera pas long que tu vas te désassujettir. On prend un exemple. Prononcer 20 fois la même chose, c'est totalement différent de répéter 20 fois la même chose. Alors, la nuance, elle est simplement que celui qui répète n'est pas conscient de ce qu'il fait. Celui qui prononce, c'est toujours la première fois qu'il le fait. Celui qui se conscientise doit vivre d'une façon conscientisable, d'une façon de conscientiser. Donc, il sera ceci, si on peut dire, il sera déterminé par l'acceptation qu'il a eue lui-même, des lois qu'il a formées lui-même, pour s'aider lui-même à se sortir des mécaniques d'assouplissement de l'évolution planétaire. 5 de 5. 9. Oui, ok. Bon, un égrégore est formé de mémoire, c'est ça? Non. Formé de quoi? Non, c'est formé de mémoire. Ok. Et est-ce que, je veux vérifier là, est-ce que l'ego, est-ce qu'un égrégore peut avoir un ego? Est-ce que l'ego, on va l'appeler ça un dieu? Si on parle d'un gros égrégore, oui. Son ego, c'est un dieu. Bon. Mais finalement, dans n'importe quel égrégore, il peut y avoir un ego qui est formé. Si l'égrégore est suffisamment constitué, l'égrégore d'une plante n'a pas nécessairement un ego. Les manipulations. Les récupérations, les manipulations de l'astral, c'est fait par des égaux. Des mécaniques qui n'ont pas de corps. Mais est-ce qu'ils décident? Est-ce que l'astral non, décide? Non, c'est pas une décision, c'est une réaction, mais s'ils sont identifiés sur eux-mêmes, ils sont convaincus qu'ils ont décidé. Comme l'humain qui décide qu'il se lève. Mais il se lève parce qu'il est couché, puis il se lève parce qu'il faut qu'il se lève. Bon. Mais il n'y a aucune décision là-dedans. Mais est-ce qu'on peut comparer ça à l'ego d'un humain? Mais c'est très, très, très, très, très similaire. À part la puissance, c'est la même chose. La puissance qui... La puissance, le pouvoir qu'a un égrégore divin, ou un égo divin, est beaucoup supérieur à celui d'un humain. Sauf que du point de vue de la mécanique, c'est absolument la même chose. Mais le volume est quand même plus important au niveau des égrégores divins, c'est plus puissant. Mais au niveau de la mécanique, c'est quand même la même chose. On réussit à associer aux mêmes lois. Besoin d'expression, besoin d'alimentation, etc. C'est la même chose. C'est pourquoi lorsque nous vivons en fonction de notre ego, lorsque nous vivons en fonction des mécaniques qui paramètrent l'ego, par exemple, un corps physique doit faire ceci, un corps physique doit faire cela, un ego qui vit tel problème devrait normalement créer telle maladie, telle place, un corps vital qui vit ceci, cela, etc., ce sont des lois planétaires. Toutes les lois planétaires sont chapeautées par l'astral. C'est-à-dire que la matière est apparue en premier. Elle était entourée d'énergie vitale. Donc, toutes les lois matérielles sont chapeautées par les lois vitales. Quelqu'un qui a la capacité de contrôler les forces belzébuthiennes, de magnétiser ou de dire les choses, il sera capable de faire monter une montagne, de faire baisser une montagne, de faire ce qu'il voudra avec la matière. Qu'est-ce qui chapeaute les lois vitales? C'est ce qui est arrivé par la suite et ce qui est beaucoup plus subtil, c'est les lois astrales. Donc, à partir de ce moment donné-là, le principe vital n'est plus aussi opérationnel. Pourquoi? Parce qu'il devient associé aux lois de l'astral. Maintenant, qui va décider qu'est-ce qui va se passer dans le contexte matériel et dans le contexte vital uniquement, c'est les mécaniques astrales. Comme notre corps physique est matériel et vital et qu'il est totalement sous le joug d'une mécanique astrale, l'âme, ben nécessairement c'est l'âme qui décide. Qu'est-ce qui maintenant va envelopper l'âme, la mécanique mentale? Mais le mental est encore naissant, il est faible. Mais le mental est nécessairement ce qui va prochainement contrôler la mécanique astrale. De ce fait, contrôler le plan vital et le plan physique. Parce que le mental a la caractéristique d'être connectable soit à l'astral, soit au plan supramental, donc à nous, à l'intelligence. Donc on considère que dans quelques temps, l'intelligence, donc l'être humain, sera capable, par le biais du mental, de contrôler directement le plan vital, le plan astral ou le plan matériel. C'est ce qu'on appelle devenir son seul maître. Bon, c'est l'idée même du PNC. L'être humain qui parvient à développer suffisamment une autorité mentale dans l'astral, premièrement donc chez lui, qui parvient à créer, à sauter l'astral un petit bout de temps, Donc, tu pars par-dessus l'astral, si on regarde Menfi, Reston, Kenvi, etc., sont des mécaniques qui nous permettent de développer le plan mental, de sauter par-dessus le plan astral pour aller chercher de l'énergie dans le plan vital, et de contrôler au maximum le corps physique de façon à ce qu'il ne perde pas trop d'énergie vers le plan astral. Au lieu de parler directement à l'astral qui fait des conflits ou qui peut amener à la mentalisation, on va s'arranger pour contrôler le plan vital, le plan physique, qui va, lui, dénourrir, ramasser de l'énergie dans le plan astral. Et à un moment donné, effectivement, l'humain sera suffisamment le maître contrôleur à bord du corps physique. Le corps physique implique nécessairement le corps de mémoire, donc le corps vital, qu'il pourra par la suite commencer à imposer sa propre loi, sa propre force au plan astral. Et à travers cela, rendu à un certain niveau de travail, l'individu commence déjà à travailler au niveau du plan astral, que ce soit par chirurgie astrale, c'est un voyage astral à l'intérieur de l'âme, que ce soit par différentes mécaniques comme le jeu de la vie 2, 3, etc., ou encore par des tactiques régales. L'être humain aura la capacité de le faire. Mais tant qu'on est... Ce que l'on doit comprendre, c'est que l'être humain doit développer dans son mental la capacité d'exprimer violemment de l'intelligence supramentale lorsque l'évidence, la conséquentialité, l'esthétisme n'est plus à... ne peut être mise en question. Et on parlera de volonté. Mais violemment, là, t'entends par... Violemment. Tu veux absolument, par exemple, aller voir un film idiot, puis tu décides que t'es intelligemment, t'as pas y aller, tu vas pas. Ton ego est frustré, c'est violent. C'est un peu comme ton enfant qui veut y aller, sinon tu restes dans ta chambre, paf, c'est un peu violent, c'est violemment. C'est un exemple comme ça, là. Tu donnes pas très peur à l'ego. Mais il faut que ce soit imposé, il faut, à un moment donné, il faut que l'humain finisse par se prendre en main. Quand je dis prenez votre corps et bougez-le, c'est la même chose. Là, j'ai expliqué de quelle façon ça s'opérerait. Ce que l'humain doit faire. L'humain doit se grouiller. Enfin, grouiller, se brosser. Parce que là, on est en 1991. Bon. Et... un an de passé. Hey, je l'ai dit au début de 90. Alors, on a encore 2-3 ans. Un an de passé, là. Ça n'a rien dit. Ah, il reste encore 2-3 ans. Mais ça... un jour, il ne reste plus 2-3 ans. Et ça a changé. Ah, il y a énormément de choses qui ont changé. Mais c'est... il y en a encore beaucoup à changer. C'est comme une échelle allonge la mesure que tu crées. Non, c'est parce que tu vois plus loin, mais tu vois le dernier rabat. C'est un sacré bon égo. Tant mieux qu'elle allonge. Comme ça, au moins, le feu qui te crève après les fesses, il m'en a dit pas plus monter. Il brûle l'échelle descend, l'échelle allonge, c'est tout bon. À moins qu'elle soit pas en bois. Ah. À moins qu'elle soit en bois, plutôt. Ben, tu dis. Le feu brûle l'échelle descend, l'échelle allonge, c'est tout bon. Ok. Tout le monde en maudit. L'être humain doit se prendre en main, l'être humain doit se réveiller, l'être humain doit commencer à appliquer. Il y en a qui appliquent, mais c'est toujours... C'est correct. Présentement, ce que vous faites, c'est parfait. On doit faire plus. Pas mieux. Plus. De plus en plus. C'est exponentiel. On doit sortir de la merde. On doit quitter les structures d'évolution. Les structures de coercition, les structures de punition. Je ne regarde pas. Quand tu mets l'intelligence pour comprendre, quand tu le comprends, il change. On le punit en plus. Mais là, l'énergie du changement sert à supporter la punition, c'est qu'il ne change pas plus. On ne l'a pas. Ça y prendra 25, 30, 40 punitions pour finir par avoir suffisamment de degrés d'expérience pour pouvoir changer. Alors que l'être humain qui se conscientise n'a pas besoin de la punition, car c'est correct. Mais je me sens coupable. Et merde! La culpabilité va gruger ton évolution, gruger ton énergie plutôt. Et à un moment donné, bien, quand tu auras... quand la culpabilité vient de ramasser, tu gagnes 1 degré en énergie, le reste de l'évolution. Quand tu auras 20 degrés, tu pourras te transformer. T'as essayé de faire la connerie. Donc, tu auras vécu 20 fois de la culpabilité pour ramasser 1 degré chaque fois. L'être humain qui passe dans l'ère de la conscientisation, il vient de voir, il comprend, parce qu'il ne se sent pas coupable, il a toute l'énergie qu'il faut pour changer. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui fait que... parce que, on est manipulé. Moi, j'ai jamais décidé d'évoluer, même si je dis oui, mais par moment. Puis non, parce que sinon, tu seras encore en tout cas. Ça va être suffisant. Tu n'auras pas décidé. Connaissant ton ego comme il est, tu n'auras jamais décidé. Il sent que tu n'avais pas décidé. Eh oui, c'est le même pour tout le monde. Pourquoi on dit se faire ramasser par les culottes et être fait jusqu'aux atomes? Tant qu'être fait jusqu'aux atomes, on veut autant continuer. Alors, on peut, si vous avez des questions, vous les écrivez.